Vous êtes bien sur RIG, c'est 90.7 et il est 20h. Join me on RIG. RIG. Oh, la marchite, c'est vachement plus ordonné que nous. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Oui, je suis trop impatient, on commence direct. Pas assez. La saga. Non, non, parce que vous le savez, c'est la 32e saison de la saga des Fab Four. Et je suis ravi. Mais vraiment, j'ai le cœur qui bat très fort parce que c'est mon bébé, ça. J'adore faire cette émission. Ça, je la ferai pas depuis 32 ans si je l'adorais pas. Et je suis vraiment, vraiment ravi de vous retrouver sur 90.7 pour ceux qui écoutent sur la région bordelaise, sur www.rigfm.fr pour ceux qui écoutent sur la région bordelaise et ceux qui écoutent partout ailleurs dans le monde entier. Que ce soit même en France, localement, Paris, Nice, je sais pas où vous voulez, la Belgique, la Suisse, ma sœur, salut Isabelle, Londres avec Lovely Rita, les États-Unis avec mes amis qui écoutent depuis les États-Unis, en Inde. Il y a aussi, rappelez-vous, je ne me souviens plus de son nom, mais quelqu'un qui écoute depuis le Japon, il s'appelle Yuji, je crois. Yuji, hello Yuji. Et quand il écoute la saga des Fab Four, on est jeudi et il est 2 ou 3 heures du matin. Chapeau. Là, se lever pour écouter la saga, il faut le faire. Allez, arrêtons de parler de tout ça et parlons de ce qui va se passer. La nouveauté de cette année, c'est que chaque semaine, sur Facebook, sur le groupe Facebook, je vous proposerai 2 ou 3 ou 4 albums de la semaine potentiels. On essaiera de changer à chaque fois, une fois McCartney, une fois Harrison, une fois Starr, une fois Lennon, et une fois les Beatles. Peut-être, on verra. On fera suivant les intentions du moment, mais en tout cas je vous proposerai à chaque fois de voter parce que là je l'ai fait cette semaine et ça a voté très très dur. Et l'album de la semaine, c'est l'album, mon album chouchou, Back to the Egg, pour revenir sur l'antenne de RIG. C'était vraiment un très bon album, bien choisi. On écoutera Reception, Getting Closer, We're Open Tonight, Spin It On, Baby's Request, To You, Old Siam Sir, et on terminera avec So Glad to See You Here, parce que je suis vraiment très très ravi de vous retrouver sur les antennes de RIG. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, Instant Karma, le single de 1970. Pour Harrison, Got My Man, Set On You en 87 sur Cloud 9. Et pour Ringo Starr, Bye Bye Blackbird. Et quant aux Beatles, ce sera Get Back. Voici l'album de la semaine. On cherche la radio, RIG forcément. Reception, Getting Closer, Now. Yes. Je suis content de vous retrouver sur Facebook, le groupe La Saga des Fab Four. Et n'oubliez pas également sur macaclub.com. Vous pouvez retrouver dans le groupe La Saga des Fab Four ceux qui y participent. Pour l'instant, je pense qu'ils sont en train de manger ou quelque chose comme ça. Mais je suis sûr que dans les semaines à venir, ils vont revenir en masse très très nombreux. Et merci à tous ceux qui sont sur Facebook, c'est très très gentil. Il y a quelques instants, Instant Karma, sorti en février 1970, composé, enregistré et commercialisé en l'espace de quelques jours. Instant Karma est un single majeur de John Lennon, illustrant encore sa capacité à pondre des hymnes fédérateurs. Le producteur Phil Spector a gratifié ce rock de son légendaire et puissant mur de son, tandis que George Harrison est passé filer un coup de main à la guitare. Un gros succès solo pour John Lennon. Et bien entendu, heureusement, vous retrouvez ce single qui n'était à l'origine disponible sur aucun album sur les compilations de John Lennon. Nous avons fait John, nous avons fait Paul, voici venir George et Ringo sur RIG. Got My Mind Set On You, suivi de Bye Bye Blackbird. RIG 90.7, la radio des Beatles. Gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time to do it right, child. I got my mind set on you. I got my mind set. It's gonna take money, a whole lot of spending. pack up all my cares and woe. Here I go, singing low. Bye, bye, Black Bear. Where somebody waits for me. Sugar is sweet, so is she. Bye, bye, Black Bear. No one here can love and understand me. Oh, what hard luck stories they all hand me. Break my bed and light the light. I'll arrive late tonight. Black Bear, bye bye. Here I go, singing low. Bye, bye, Blackbird. Where somebody waits for me. Sugar is sweet, so is she. Bye, bye, bye, bye, bye, Blackbird. I said, no one here can love and understand me. Oh, while hard luck stories they all hand me. So make my bed and light the light. I'll arrive late tonight. Black Bear, bye bye. Make my bed and light the light. I'll arrive late tonight. Black Bear. Clément Ricard qui dit sur Facebook, décidément ce gars, donc Ringo Starr, a toujours la même voix depuis 50 ans. On peut dire ça, et on peut dire aussi que Ringo Starr, eh bien, il a arrêté le compteur à 55 ans, plus ou moins. Il a beau avoir 75 ans, ben, on n'a pas l'impression qu'il fait à ce stage-là. Il fait plus jeune, il fait un peu comme moi, quoi, plus jeune. Voilà, donc puisque nous arrivons aux Beatles, nous sommes obligés de parler de notre partenaire Lovely Rita. Lovely Rita, elle est anglaise, elle est à Londres et elle dirige le Beatles Magazine. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, la tournée de Ringo Starr, la tournée de Paul McCartney, forcément, aux États-Unis actuellement, il me semble, l'album bientôt qui ressort le 2 octobre de Paul McCartney, Pipes of Peace, Tug of War. Si vous voulez tout savoir ça, si vous voulez savoir ça, ce qu'il passe sur les, chez les amis des Beatles ou alors chez nous, les animateurs qui faisons de la radio pour vous. Si vous voulez connaître Michael Onorato aux États-Unis, si vous voulez connaître Kyle au Canada, si vous voulez connaître j'ai oublié, il y en a un autre qui fait aussi une très bonne émission, Brooke Alpine bien sûr, sur la côte ouest, et bien branchez-vous sur www.beatlesmagazineuk.com, vous saurez tout et ce sera très très bien. Merci. Thank you, lovely Rita. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Jojo left his home in Tucson, Arizona, for some California grass.

Thierry Gallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des femmes fortes. Face B de Paperback Writer en 1966. Sur leur premier album, John avait dans There's a Place émis l'idée que ce qui importait réellement était l'état d'esprit dans lequel se trouvait une personne et non le monde qui l'entourait. Il reprit ce concept pour Rain en y intégrant l'influence qu'avaient eu sur lui les drogues psychédéliques. En un sens, il s'agit d'une chanson simple au sujet des gens qui se plaignent parce qu'il ne fait pas beau, comme le disent les paroles. Mais cette chanson contient également un message exprimant la nécessité de développer un état d'esprit permettant de transcender les événements bons et mauvais. John pense que l'on doit s'élever au-dessus des circonstances de la vie, de la manière que l'on peut être indifférent autant qu'il fait, de la même manière. Rain était la première chanson des Beatles à faire allusion à de nouveaux états transcendantaux de conscience, non seulement dans ses paroles, mais aussi dans sa musique. La voix mélancolique et traînante, les instruments ralentis, la bande inversée à la fin, annonçaient bien des choses à venir. Les bandes inversées devinrent un objet de polémique aux États-Unis dans les années 70 et 80. quand certains artistes furent accusés d'y dissimuler des messages subliminaux. George Martin expliqua qu'il avait trouvé l'idée des bandes inversées en travaillant seul au studio après le départ des Beatles et leur avait fait écouter le résultat dès le lendemain. John, qui composa Rain à Kenwood, de son côté, a toujours prétendu qu'il avait découvert ce procédé en essayant de passer une bande de la maquette de la chanson dans son magnétophone, alors qu'il avait fumé une bonne quantité de marijuana. Il se trouvait dans un tel état qu'il tordit la bande et ce qu'il entendit lui semblait être un chant arabe dans son casque. Il décida qu'il venait de découvrir un son qui reflétait tout à fait ses dispositions du moment. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson-là. Entre autres, on aurait pu dire encore bien des choses. Rain, sorti en face B, je l'ai dit, de Paperback Writer. Je vous propose encore du John Lennon, mais deux versions. D'abord, Free as a Bird, tel que John Lennon l'avait préparé, mais pas terminé. Et puis, Free as a Bird, la version finale des Beatles de McCartney, Starr et Lennon. En 1995, écoutez. Free the void. Voilà, ça se termine brutalement, mais c'était une démo. Et c'était John Lennon, Yoko Ono. Et oui, il faut que j'en parle un petit peu. Confie la cassette à Paul McCartney. Et McCartney se dit, on va faire comme si John nous avait dit, bon, ben voilà ce que j'ai fait. J'ai pas le temps, j'ai envie de partir en vacances. Je sais que vous allez faire quelque chose d'extraordinaire. Donc faites comme si j'étais là. Et puis terminez les petits bouts qu'il faut. Et puis tout ira très très bien. Je vous fais confiance. bien voilà ce que ça a donné en 1995. Merci les trois et les quatre, même en incluant John Lennon. Quand même. Je voudrais dire vous transmettre l'amitié de Philippe Fabfort qui ne peut pas écouter cette semaine mais qui pense à nous, à vous et qui aime cette émission. Il vous envoie le bonjour depuis très très loin. Enfin non, il est à Paris. Je pensais à quelqu'un d'autre qui est très très loin. Et I'm gonna say it in English because he understands English. Takahashi is listening from Japan. Hi, my friend you may be one of the foreignest friends. I don't know. Merci en tout cas d'écouter depuis le Japon, c'est absolument génial et je lui ai promis de lui faire un petit bonjour. Je voudrais qu'il s'inscrive sur la saga des Fab Four, ce serait bien qu'on puisse discuter avec lui puisqu'il parle anglais. Et voilà, donc la suite de la saga des Fab Four, c'est maintenant avec cet album qui va ressortir le 2 octobre et que bien entendu je vais re-acheter parce que il est trop bien. Tug of War ressort et voici le remix de 2015 exprès pour vous les amis. It's a tug of war. What with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outdo each other in a tug of war. In another world, we could stand on top of the mountain with our flag unfurled. In a time to come. In a time to come, we will be dancing to the beat played on a different drum. It's a tug of war. And grumble, it's a tug of war. But I can't let go. If I do, you'll take a tumble, and the whole thing is gonna crumble. It's a tug of war. In years to come, they may discover what the air we breathe and the life we lead are all about. But it won't be soon enough, soon enough for me. No, it won't be soon enough. It's a tug of war. What with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outscore each other in a tug of war.

Quelle belle chanson d'amour, Your Love is Forever. En 1979, George Harrison sur RIG. Rejoignez-nous sur le groupe Facebook, sur le groupe La Saga des Fab Four. N'hésitez pas, Yoshi vient de le faire et on va pouvoir communiquer avec lui en anglais parce que mon japonais est vraiment très très limité. Il est rien, je ne sais pas parler japonais. Mais c'est pas grave, je sais parler français et je parle un petit peu anglais, donc c'est plutôt pas mal comme ça. Voici Ringo Starr sur RIG, sur 90.7. Je pense à vous aussi, ceux qui écoutent en FM. Voici Give It A Try sur l'album Liverpool 8, sera suivi de I Need You des Beatles. Everybody has a dream that they hold on to, but what can they do to make it come true? Everybody has a whole lot of life to live, but you gotta sit back. Oh, you gotta relax. You've got to love every breath you breathe. Look at the sky. Looking over your shoulder, it's time to take a look at yourself. Don't be left on the shelf. In the end you will surrender and then you'll be fine like everyone else. You'll be finding yourself. I need you, love you all the time, I'll never leave you. Please come on back to me, I'm lonely as can be. I need you, said you had a thing or two to tell me. Was I to know you would upset me? I didn't realize, as I looked in your eyes, you told me, oh yes, you told me, you don't want my loving anymore.

C'est Michael. Hello, this is Michael Honorato from Beatles Tonight, and I'm listening to La Saga de Fab Four with Terry Gale from New Jersey here in the USA. Keep rocking, Terry. Thank you. L'album de la semaine, Back to the Egg. Cet album de Paul McCartney, Back to the Egg, et malgré tout, le chant du cygne des Wings, puisque l'année d'après, il fera solo, il sera en solo, et il ne sortira plus du solo, et tant mieux finalement, puisque moi j'ai toujours dit que les Wings, c'est Paul, et alors que les Beatles, c'est Paul plus John plus Ringo plus George, que vous le mettiez dans un sens ou dans l'autre, c'est pas grave, c'est vraiment les quatre personnalités, alors que les Wings, non, la plupart du temps, c'est Paul, 90-95%, même s'il peut se faire aider par Denny Lane, bien sûr, sans problème, par d'autres. Mais voilà. Donc, c'est le chant du cygne. Longtemps, Paul McCartney n'aimera pas beaucoup cet album-là, alors que pourtant, quel dommage. Il avait voulu faire un très bon travail. Il a fait un très bon travail. J'attends le remaster de cet album-là avec une impatience que je peux pas vous décrire, puisque vraiment, c'est l'un de mes albums préférés. La voix de Paul est juste parfaite. Les chansons sont extraordinaires. Et nous arrivons à la 17e chanson. Je pense qu'il va falloir accélérer un petit peu, sinon on va être en retard, comme d'habitude. Une année de plus avec l'émission d'Eric. Voici la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George ou les Beatles, même si eux-mêmes avaient repris une chanson de quelqu'un d'autre, genre Chuck Berry, Little Richard et tout ça. La cover d'aujourd'hui, on l'a écoutée il y a quelques instants par les Beatles, mais la voici par les Beach Boys Rock and Roll Music sur RG. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. unless they try to play it too darn fast and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. I took my loved one over across the tracks so she could hear my man away. I must admit they have a rockin' band. Man, they was blowin' like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. I tell you folks they had a jamboree and drinking beer from a wooden cup. The folks that dance and got all shook up. They started playing that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old way you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, say if you wanna dance with me, if you wanna dance with me, if you wanna dance. Pennylens sur Macablog marque la version des Beach Boys rock'n'roll music qui est beaucoup moins rock que celle des Beatles. Oui, oui, hein, sans problème. Elle est aussi beaucoup plus en harmonie vocale. Et pourtant, les Beatles étaient très forts en harmonie vocale aussi. Voici une version différente de Watching the Wheels. Elle est sur l'album Funny People. C'est John Lennon. Et l'album Funny People s'est sorti en 2009. Enfin, l'album du film, puisque c'est un film Funny People, la bande originale du film, vous avez compris. People say I'm crazy, doing what I'm doing. They give me all kinds of warnings, save me from ruin. Looking at me kind of strange. Surely you're not happy now. You no longer play the game. Ah, people say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice, designed to enlighten. Shadows on the wall. Oh, don't you miss the big time, boy. You're no longer on the ball. I'm just sitting here making the wheels go round and round and rock the Boston road. No longer riding on the merry-go-round. I just had to let it go. We'll be right back. sûr que Rook va nous trouver la pochette de Funny People Original Motion Picture Soundtrack pour Yuji notamment. Yuji, notre ami japonais qui vient de s'inscrire sur le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook. Faites comme lui, demandez de rejoindre le groupe La Saga des Fab Four et on vous fera membre honoraire ou gracieux ou ce que vous voulez le plus vite possible. Encore du John Lennon? Ok, Angel Baby sur RIG. Yeah. De retrouver cette émission que je chante toutes les chansons. Et du coup, on est un poil en retard parce que j'ai un peu trop parlé. On va essayer de se dépêcher. L'album de la semaine, Back to the Egg, Paul McCartney, en 1979. Voici une de mes chansons préférées de l'album, Old Sam, Sir, sur RIG. Montez le son, montez le son. Bye. L'album de la semaine, et je vous assure que là, on a envie de s'arracher la gorge quand on chante All Science. J'adore cet album. Et j'adore vous retrouver nombreux sur Facebook, bientôt très nombreux sur macaclub.com, bien entendu. Et ce sera absolument génial quand vous serez tous là. Parlez-en autour de vous. La saga des Fab Four, c'est ici, sur RIG 90.7. Inscrivez-vous sur Facebook, c'est là où nous sommes le plus nombreux. Et vous verrez, on peut parler en français, en anglais et dans d'autres langues quand vous avez les traductions à côté. Je voulais vous parler de Lay His Head de George Harrison, mais on va finir par être en retard pour le retour de Eric, donc il va falloir que je fasse attention. Il y a eu 4 chansons qui ont été programmées par George Harrison pour son album Somewhere in England, délivré d'abord fin 79 et refusé par Warner Brothers en disant ben il y a des chansons qu'on ne veut pas. Il y a Tears of the World, Sad Singing, Lay His Head et Flying Hours, et il faut que tu composes autre chose. George Harrison composera par exemple Blood from a Clone, le sang d'un clone. On en reparlera peut-être tout à l'heure si on a le temps. Et il retire les 4 chansons. Et c'est bien dommage qu'il retire ces 4 chansons parce qu'elles sont vraiment très très bonnes. Voici la preuve avec Lay His Head sur RIG. Encore une fois, Rook sur Facebook a raison, puisqu'il a publié la pochette du disque dans lequel on peut trouver cette chanson-là. C'est la face B en 1987 de Got My Mind Set On You. Il y a cette chanson, Lay's Head, qu'il ne faut pas manquer parce qu'elle est vraiment très très bonne. Et puisqu'on parle de très bonnes chansons, je voulais recommencer la saga des Fab Four avec l'une de mes chansons préférées des Beatles. Et c'est celle-là, bien entendu. Thank you.

to London town. We didn't do much hanging around. I was with you know who. I played the drums like I always do. Achetez-vous cet album, de ce très bon album de Ringo Starr. Il s'appelle Postcards from Paradise. Il est sorti en 2015 et est largement disponible. Donc, achetez-vous cet album, c'est vraiment un conseil. Et puis, voici la chanson, Eric, puisque Eric est dans le studio. La chanson que j'aimerais entendre de Paul McCartney en concert. C'est celle-ci, c'est extrait de l'album de la semaine et c'est So Glad to See You Here. Show tonight. The show's gotta go tonight. The show's J'adore cette émission, j'adore cet album de Paul McCartney, Back to the Egg. Beaucoup plus cool, mais on vous l'a dit, il n'était pas content d'avoir eu des chansons rejetées de son album, donc il dit, ils veulent le sang d'un clone, pas de moi. C'est George Harrison en 1981 sur l'album Blood, sur l'album Somewhere in England, et le titre, c'est Blood from a Clone. Années auparavant, enfin pas si longtemps que ça finalement, parce que là nous sommes en 1981 et là nous parlons de 1969. Il y avait ceci en fin d'un album. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way. Sing a lullaby. will sing a lullaby. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. N'en reviens pas, j'adore cette chanson, j'adore cet album, j'adore cette émission, je vous adore, bref, tout va bien. Et on ne pouvait pas terminer sans ce petit rajout. Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make a mine, oh yeah. Someday I'm gonna make a mine. Majesty's a Eric, on a été tout surpris. Merci à vous d'être venu pour cette première édition. Nous sommes quand même à la 264e sur RIG. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à partir de 20h pour la suite des aventures des Fabulous Four. Merci, merci, merci. Et rejoignez-nous sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. See you next time. Bye bye. Et puis maintenant, Eric et Johnny de A à Z, la rentrée dans quelques secondes. Au revoir.